Poursuivant leur séjour à Tunis, Farid El Akrache et la ravissante danseuse Samia Gamal ont remporté un succès triomphal sur la scène du théâtre municipal.